Ah bah voilà. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 623 et l'album de la semaine, c'est l'album Look Up de Ringo Starr, enfin paru depuis le 10 de ce mois-ci. Et on écoutera Breathless, Look Up, Never Let Me Go, I Live For Your Love, Come Back et Time On My Hands, puisque j'adore cette chanson. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du McCartney et des Beatles. Pour Lennon, ce sera How sur l'album Imagine en 1971. George Harrison nous chantera My Sweet Lord, mais pas la version de 1970, ni la version de 2020 sur l'album Despectorisé, on va dire, mais la version qu'il avait faite en l'an 2000, une version remaniée un petit peu, qui est assez sympa et qui est rare maintenant. Si vous n'aviez pas acheté l'album à l'époque, eh bien vous ne l'aviez plus. Pour McCartney, ce sera Man, We Was Lonely sur McCartney en 1970. Et puis les Beatles, eh bien, il y a eu deux documentaires sur Arte, si je me souviens bien, cette semaine, qui ont porté un sur McCartney et l'autre sur les Beatles à Hambourg. Et ça m'a donné envie de nous plonger un petit peu dans les Beatles très anciens. Donc, on va tirer tous les Beatles de ce soir sur l'album Live at the BBC, sorti en 1994. Vous allez entendre des choses rarement entendu dans la saga, mais je les ai déjà passés pourtant. Il y aura I'll Be On My Way, Some Other Guy, il y aura The Hippie Hippie Shake et d'autres. Donc je vous convie à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, voilà, bon démarrage. Je crois que ça y est, je maîtrise totalement ce vieil ordinateur que j'ai ressuscité de façon à pouvoir faire la saga. Il a 14 ans. Pour un ordinateur, c'est vieux, 14 ans. C'est un peu comme les chiens, sauf que ça doit être multiplié par 8 ou 9 ou 10. Enfin, on va voir s'il tient le coup. Pour l'instant, je crois que c'est bien fait pour y aller. Et le premier titre que je vous propose d'écouter, c'est Breathless. Breathless sur RG dans la saga des Fab Four. Extrait de l'album de la semaine. L'album s'appelle Look Up. On en parle juste après. Breathless. que je voulais vous dire de très important, c'est que enfin, depuis pas loin de 50 ans, Ringo Starr, 84 ans au compteur, est numéro 1 avec ce disque. Ça marche bien. Ça fait plaisir. Man, he was lonely. C'est Paul McCartney sur RG. Don't know what it is I'm giving. and I just don't know how to give. How can we go forward when we don't know which way to turn? Comme je vous l'ai dit, si vous avez acheté en l'an 2000 le coffret All Things in Space, vous avez cette chanson. Il l'avait dit en rigolant, George Harrison, je parle, il avait dit, puisqu'on m'avait accusé d'avoir plagié It's So Fine pour cette chanson-là, j'ai changé les accords pour que ça soit plus ma chanson. Voilà ce que ça donne sur RIG. Voilà, c'est un peu plus George Harrison. Vous êtes à l'écoute de la saga des Fab Four jusqu'à 22h. C'est Thierry Gallet, votre hôte. Et ensuite, ce sera Eric pour Johnny de A à Z. Les Beatles s'arrangent pour être présents encore régulièrement de façon à rappeler aux plus jeunes générations ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont encore pour beaucoup. Et en 1994, on a proposé les Beatles à la BBC, à la BBC, pourquoi la BBC ? À la BBC, et ça donne des choses très très sympas, c'était juste avant les anthologies. Voici deux exemples, I'll Be On My Way et Some Other Guy. Some Other Guy, c'était l'une des chansons qui a été capturée aux cavernes, par exemple, si vous avez le... sur YouTube, certainement, des trucs comme ça. C'est les Beatles jeunes, avant qu'ils aient vraiment... D'autres chansons que vous allez entendre, les Beatles commençaient à être connus. J'allais dire, c'est la préhistoire des Beatles. Non, pas tout à fait, un peu quand même. Voici les deux chansons. The sun is fading away, that's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Just one kiss and I'll go, don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Entre le 7 mars 1962, c'est bien ce que je vous disais, c'est un peu avant les Beatles, puisque les Beatles ont commencé, alors pour la saga des Fab Four, à partir du mois d'octobre 1962, et Love Me Do qui est paru dans les charts à la 17e place, et le 7 juin 1965. Les Beatles feront en tout 52 apparitions dans les différents studios de la British Broadcasting Corporation, alias la BBC, la prestigieuse radio londonienne, pour y interpréter pas moins de 88 chansons différentes, dont plus d'une trentaine qui ne seraient jamais enregistrées en studio durant leur carrière. Elles furent à l'origine diffusées dans des émissions de Radio Saturday Club, Side by Side ou Top Gear, où les Beatles étaient invités parmi d'autres artistes, et Pop Go the Beatles, et From Us to You ainsi. Beatles Invite You to Take a Ticket to Ride, où ces émissions étaient axées sur eux. Lennon, McCartney, Harrison et Pete Best pénétrèrent pour la première fois dans les studios de la BBC dans le cadre de l'émission Teenage Turn, Here We Go. Donc c'est autour des ados, et on y va, c'est une traduction en français, où ils interprétèrent devant le public quatre titres, trois reprises qu'ils affectionnent, Dream Baby de Roy Orbison, Memphis Tennessee de Chuck Berry et Please Mr. Postman. Le dernier enregistrement, Hello Little Girl, une composition de Lennon, a disparu car il n'a pas été diffusé. La piètre qualité du son de ces enregistrements est à ce jour, a empêché une publication officielle, voilà. Mais c'est très intéressant et on va parcourir ça le long de cette saga des Fab Four. Tous les titres Beatles sont extraits du live de BBC de 1994. Voici la chanson qui est numéro 1, Look Up, sur RIG. Et franchement, pour 84 ans, c'est du bon Ringo Starr. It's a long way down and there's no bottom. You had the blues but you forgot and look up in the midnight hour. Look up, love is the higher power. Keep your eyes on the skies. Don't look down on the shadow. Never comes and the past is past. Look up, roll away the stone. Look up when you're all alone. Up above your head where the music plays, there's a light that shines in the darkest days. There's a burning fire leading through the haze. Look up. Good. Don't you think? That's all right. en écoutera d'autres encore, des extraits de rock'n'roll chantés par les Beatles. Les Beatles qui avaient, grâce à Hambourg, extrêmement évolué au niveau musicien et tout ça. Ils étaient sûrs d'eux. Faut dire qu'ils jouaient quelquefois jusqu'à 8 heures par jour. Bon, il y avait un petit peu d'alcool, un petit peu de préludine qui était, je sais plus comment on appelle ça, des amphétamines, quelque chose comme ça, qui les aidait à tenir le coup. Mais bon, ils se sont formés là. Ils se sont formés à partir de ce moment-là. Et Paul McCartney avait dit dans une interview, pourquoi est-ce que John et moi, on a commencé à écrire nos propres chansons? Eh bien, tout simplement parce que quand on était un groupe, on reprenait ce genre de chansons que vous venez d'entendre là, That's Alright Mama, Carol ou d'autres. Mais le groupe d'après faisait aussi la même chose, il reprenait Carol, machin, truc chouette. Et donc il fallait se différencier. Et comment se différencier? Eh bien en faisant nos propres chansons. Et à partir de là, alors déjà si un groupe était meilleur qu'un autre, ça pouvait s'entendre. Mais s'il proposait des chansons que les autres ne pouvaient pas proposer, c'était encore mieux. D'où l'idée de faire leurs propres chansons. Voilà ce qui a poussé John et Paul à écrire. Et c'est bien. Merci Paul, merci John, merci George, et merci à Ringo aussi, quoi. Oh, celle-là. Il aurait pu sortir en 1987. Un album qui s'appelait Pizza, Fairy Tale, quelque chose comme ça, ou tout simplement Return to Paperland. Love and peace today. jusqu'au bout. Alors comment on peut dater cette chanson de 1987? Eh bien c'est pas difficile. Il dit que les Sgt Pepper ça a daté d'il y a 20 ans, Pepperland, donc c'était en 1987, puisque Pepperland c'était en 1967. Nous resterons dans la même année dans quelques secondes, puisqu'on va écouter une chanson extraite de l'album du retour de George Harrison en 1987 avec un excellent album. L'album qui s'appelle Cloud Nine, et la chanson s'appellera Cloud Nine aussi, chanson éponyme. Mais auparavant, je dois vous dire qu'il y a au moins trois moyens de pouvoir vous renseigner sur les Beatles. Il y a d'abord le Maca Club. Le Maca Club, il y a un forum que vous pouvez trouver sur Internet, et également une page Facebook que je vous conseille d'aller voir. On parle évidemment beaucoup de Paul McCartney, mais rien n'empêche de parler des Beatles également, puisque c'est lié, forcément. Il y a également le YellowSub.net, YellowSub.net qui est plus généraliste sur les Beatles, Paul, John, Ringo et George, mais on peut parler de McCartney. Il y a un forum sur le net et il y a également une page internet. Et puis, il y a Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo et George, il faut aller sur BeatlesMagazine.com. Il y a des millions de visiteurs tous les jours, et puis vous savez tout sur les Beatles, y compris sur les personnes qui font de la radio sur les Beatles, dont la saga des Fab Four, mais également il y a un copain dans le New Jersey. L'émission s'appelle Beatles Tonight, c'est le lundi soir pour nous les Français, c'est plutôt même le mardi matin vers 4h du matin, et puis tout à l'heure à 21h30, il y a un copain italien qui fait aussi une émission sur les Beatles, voilà. Vous saurez tout en consultant BeatlesMagazine.com. C'est la saga des papas. George Harrison, George Harrison, dans la saga des papas. She like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile, my heart, they rose from the start. Pieces to me are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain of mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Cloud Nine, sachez-le, il a fallu que je cherche, que je demande à des amis anglais. C'est l'équivalent de septième ciel pour nous les Français. Pourquoi est-ce que eux, c'est un rapport avec le chiffre 9? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, rappelez-vous que John Lennon avait un sacré truc avec le chiffre 9. Il était né le 9 octobre d'abord, et puis il a fait Revolution 9. Il avait l'impression que tous les trucs 9, il lui arrivait quelque chose de bien. Pas tout le temps. Hein. Il est mort le 8 décembre, mais si on veut chercher la petite bête, c'était 9, le 9 décembre dans un autre endroit de la planète. Bien. L'album de la semaine, soyons sérieux un petit peu. L'album de la semaine, c'est Ringo Starr qui vient de sortir cet album, Look Up, qui est numéro 1 actuellement aux États-Unis, et ça c'est drôlement bien, avec une nouvelle chanson, Never Let Me Go. Et ensuite, il y aura un certain Paul McCartney qui nous chantera Country Dreamer. Donc on reste dans le country, ce soir, sur RIG 90.7 pour ceux qui l'écoutent en FM, et www.rigfm.fr pour tout le reste de la France, de l'Europe, du monde, voire même peut-être de l'univers. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. I will never leave you lonely. I will never fade away. Others may have tried to blame you for something that they did themselves. I will not let them defame you with reckless lies and sad farewells. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. When you call my name, go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. After all that you have been through, after all the sermon drank, other loves may not have been true, after all the yin and yang. Never let me go. Never let me go. Never let me go. When you call my name, I will be there. If you want me, I won't go anywhere. When you look for me, I will be near. And we will make the bad time disappear. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Thank you.

une chanson, Cocorico, puisque cette chanson a été chantée par Gilbert Bécaud en 1955 sous le titre « Je t'appartiens », rechantée par d'autres artistes de langue anglaise, on va dire. Et puis vous l'avez par George Harrison en 1900. Alors ça a été enregistré en 1983, j'ai l'impression. Mais ça n'est sorti qu'en 2012 sur l'album Early Takes Volume 1 de George Harrison. Et qui dit Volume 1 pourrait dire Volume 2, Volume 3, Volume 4. Mais c'est quand vous voulez, hein. Parce que nous, s'il y a d'autres chansons comme ça aussi bien enregistrées, on est partant, nous, les fans de George Harrison. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est Thierry Gallet qui vous accompagne jusqu'à 22h. Oh, déjà la moitié de l'émission, mais ça passe trop vite. Allons, on se dépêche, voici les Beatles, et encore les Beatles. Extrait de Live at the BBC, The Hippie Hippie Shake. Et il y aura Glad All Over, chanté par George Harrison, bien entendu, sur RIG. For goodness sake, looking to see what I got, but it shows, it shows. Come on, honey, boy, give me one more time. Every time you do, well, I feel glad all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm glad all over. Cooking inside, well, we're cheek to cheek. My temperature's low, fever is high. Guess me, how do we? Wait, come on, honey, buddy, give me one more time. Every time you do, well, I feel right all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm right all over. I don't get it silly, but I'm right all over. Tient à cœur cette chanson, George Harrison, puisqu'il la reprendra en 1986 avec l'auteur lui-même de cette chanson-là. Ça y est, le Carl Perkins, voilà. J'allais dire le nom m'échappe alors que je voyais la tête du gars. C'était Carl Perkins. Bon, si nous revenions à l'album de la semaine. Oui, ça a l'air d'aller vite, mais c'est que les chansons des Beatles sont courtes, donc forcément, ça dévale pas mal. I Live For Your Love, cet extrait du très bon album 2025 qui vient de sortir de Ringo Starr. L'album s'appelle Look Up. I don't live in the future. J'ai remplacé la cover par quelque chose d'autre. C'est un duo. En 2005, George Michael invite Paul McCartney à rechanter une chanson avec lui, une chanson qu'il aime. Et vous allez voir que le mélange des deux voix se porte à merveille. C'est pour son album 25, paru en 2008 en single et paru en 2006 en tant qu'album. La chanson, c'est Heal the Pain, qui était bien avec George Michael tout seul, mais je trouve que là, en 2005, quand il a invité McCartney, ça donne un petit plus à la chanson. Try to, I can heal the pain that you feel inside. make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain. Won't you let me inside? Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day. I'm going to say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Won't you show me? Tells me I'm the one you've been looking for. Oh, if you ever should see him again, won't you tell him you found someone who gives you more? Someone who will protect you, love him and respect you. All those things that he never could bring to you, like I do, or rather I would. Won't you show me mercredi soir, c'est la radio des Beatles entre 20h et 22h. Et pour vous le prouver, vous savez, quand je vous dis que la cover, ça peut être vous, et bien là, c'est une cover un petit peu particulière parce que ce n'est pas vraiment une cover. On va dire c'est un hommage aux Beatles qui a été fait par une création de Gilles Pistil, c'est son nom. Et le titre du morceau, c'est En plein vol. Il me l'a proposé. Je lui ai dit que je le passerai dans la saga. Je l'ai déjà fait. Et bien, je vous le repropose. J'avais envie. John est nulle part à travers l'univers. Il appelle à l'aide sous un ciel de diamants. Sa vie est chassée de morceaux revolver sous la pluie dans un champ de fraises. 64 ans, heureux anniversaire. Retiens par la main Lady Madonna. Le fils de la nature est un homme riche. Il retourne sur sa colline. Dans un voyage magique et mystérieux, où chacun a des choses à cacher. Ici, là et partout, les mots d'amour t'attendent. Elle dit, belle vie, qu'elle t'aime. Tu la veux, une jour par semaine. Yeah.

nightlife took me down to Prince's Alley, where Sally sang a song behind the bar. I ran my eyes across her as she sang A Tangled Mind. I used to love to hear her sweet guitar, and they called her Sally, Sally G. Why do you wanna do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. You took the part that was the heart of me, Sally G. Me and Sally took off, things began to look up. Started lying, I could see our love was dying. I heard a voice say, move along, move along. Well, now I'm on my own again. I wonder if she ever really understood. I never thought to ask her what the letter G stood for, but I know for sure it wasn't good. And they called her Sally, Sally G. Why do you want to do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. Part that was the heart of me, Sally G. Take it, chaps. Tout à l'heure avec Country Dreamer, c'était en 1973 et c'était la face B de Helen Wills. Cette fois-ci, Sally G, c'est la face B de Junior's, oh là là, Junior's Farm, et c'était en 1974, soit un an plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer dans une grosse demi-heure, un peu plus hein, quand même? Eh bien, ce sera Johnny de A à Z et avec Eric, et cette fois-ci, ça, dans cette émission. Et il nous parlera de la thématique des inédits de 2000 à 2024. Une petite piqûre de rappel de tous les titres sortis des tiroirs depuis 25 ans. Il compte sur vous, donc je compte sur vous aussi pour être présent et présente à partir de 22h02, comme toujours, hein, l'habitude. Et merci Eric hein, de me laisser à chaque fois 2 minutes de ton temps, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout de la programmation, si je le peux en tout cas. Instant Karma sur RG. C'est Johnny Donne. Karma's gonna hit you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Your brothers, everyone you meet. qu'est-ce que le temps passe vite quand on écoute de la bonne musique. Déjà l'avant-dernier extrait de l'album de Ringo Starr, le nouvel album qui s'appelle Look Up, et la chanson c'est Comeback sur RIG. Night turns into day. I walk alone and feel you gone through streets of stone until the dawn. When day turns to night, I await the morning light and another place, another time. And you'll be mine. Come back, come back on the wings of the morning. Come back on the wings of a dove. Come back, come back when you hear the warning. Come back to the world, my love. Voici une chanson qui est tirée des sessions de Press to Play en 1986. Cette chanson-là, elle apparaîtra finalement, parce qu'ils l'avaient composée pour eux, sur l'album de 10cc Mirror Mirror en 1995. Cette chanson, c'est tout simplement Yvonne par Paul McCartney sur RIG. Oui, j'ai décidé de vous faire profiter de chansons rares pour une fois. dirait Eric. Are you ready to rock? Yes. One, two, one, two, three, go. On monte le son à fond. C'est encore une phase B. Move Over Missile sur RG John Lennon. You're so kind. to and fro, hard working at the mail, never fail at the mail, yet come around the mail. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again. Sam are talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy, go and try it, you can pay me next week. Ow! Too much monkey business, too much monkey business. Trying to get me hook on me to marry, settle down, get a home, find a book. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to survive again. Yokohama been a fighting in the war. Army bum, army go, army chow, army go. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again. Same thing every day, getting up, going to school. No need to make complaining, I'll get you going. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again. In the filling station, too many tasks. Wipe the window, check the tire, check the oil, it's all again. Ow! Too much monkey business, too much monkey business. Don't want your botheration, get away, leave me. L'énergie de la jeunesse, les Beatles, mais légèrement, enfin au début, quoi, si vous voulez, entre 63 et 65. C'est extrait de l'album Live at the BBC, sorti en 1995. On écoute une dernière fois l'album de la semaine, le très bon album Look Up, sorti en 2025. Et puis dans une grosse vingtaine de minutes, une grosse, hein, ce sera Eric et Johnny de A à Z avec les nouveautés, enfin les chansons sorties entre 2000 et 2024 par Johnny, inédites. Et ce sera très très très intéressant. Celle-ci, vous la connaissez, cette chanson, je l'ai proposée plusieurs fois. Elle est vraiment bien. Time on My Hands, sur RIG, dans la saga des Fab Four. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lessons been learned. I'm over her now. That bridge has been burned. lessons we learned. I'm over her now. That bridge has been burned. So if you're feeling lonely, well, I've been lonely too. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Les Beatles, la face B de Help en single en 1965. On va terminer l'émission, ah oui déjà, avec deux titres. Un de John Lennon, qui est une très belle chanson d'amour sur l'album Simple Fantasy en 1980. Non, c'est pas une c'est une invention de ma part, Simple Fantasy. En fait, c'est Double Fantasy. Vous savez très bien que j'ai viré les chansons de Yoko, donc moi ça devient une fantasy simple. Voilà. Voici Just Like Starting Over et on terminera sur une chanson d'amour. George Harrison. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. Mind the time flies so quickly. Can't we be making love nice and easy? 7, la radio des Beatles. La dernière chanson de la saga des Fab Four, oui, déjà la dernière. Eric regarde la montre en disant non, il va presque être à l'heure, presque. C'est ce que je nous souhaite à tous. Love comes to everyone. Et en ce qui me concerne, Love m'a oublié. Mais on sait jamais. Love comes to me one day. C'est George Harrison en 1979 sur l'album éponyme qui s'appelle donc George Harrison. Oh, je vais vous le dire, c'est passé trop vite. Bah, j'ai l'impression qu'il est 20h15, quoi. Donc, on va arrêter quand même, parce qu'Eric est prêt, et vous, vous attendez, Eric. Donc, dans quelques instants, ce sera Eric. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt. Merci d'avoir écouté la saga. C'était la saga numéro 623. On est toujours en avance sur Eric. Il faudrait que je m'arrête pour qu'il puisse me rattraper. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'arrêter. À très bientôt. Salut.